إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui donc notre cours, le cours numéro 15 dans l'explication de l'aqida des Raziyin. C'est-à-dire les Raziyin, ça signifie les deux Razi. Les deux Razi, les deux imams de Ahl-Sunnah, parmi les grands imams des Salafs, Abu Hatim et Abu Zur'a. Les deux sont de la ville de Ray. Et les gens qui viennent de la ville de Ray, on dit de lui, s'il vient de Ray, qu'il est un Razi. Hein? Ar-Razi. Comme par exemple, si quelqu'un vient de l'Algérie, on va dire Al-Jazairi. Si c'est quelqu'un qui vient du Maroc, Al-Maghribi. Si c'est quelqu'un qui vient d'Haïti, on va dire Al-Haïti. Hein? Donc, si tu viens de Ray, on t'appelle Ar-Razi. Ar-Ray, si je ne me trompe pas, c'est une ville dans le coin de l'Iran, hein, le Pakistan, l'Iran, cette zone-là. Wallahu a'lam. Si je ne me rappelle pas précisément, là, mais je sais que c'est dans l'Orient. Naam. Donc, on a parlé au dernier cours d'un point par rapport à la aqida des deux Razi, qui est la aqida des salafs en réalité, et qui fait partie des explications du manhaj des salafs. C'est, on a parlé du point qui était relié à al-mizan, c'est-à-dire la balance qui va peser les œuvres au jour du jugement dernier, qui va peser les œuvres, qui va peser les personnes, et ainsi de suite. On a parlé aussi de Al-Qantara. Il y aura une justice qui va être établie au jour de la résurrection. Al-Qantara. Qantara. Non, c'est qu'avant que les croyants rentrent au paradis, ils vont être jugés entre eux. C'est-à-dire les gens qui ont fait des injustices à d'autres, ils vont devoir payer. Le point suivant qui est mentionné par les deux imams au sujet de la aqida et du manhaj d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a et des salaf salih, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-hawd. Al-hawd. Donc il dit wa qala wal-hawd al-mukarram bihi wal-hawd al-mukarram bihi نبينا حق والحوض المكرم به نبينا حق. نعم. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le hawd, c'est le bassin, un grand bassin, ou bien on peut dire aussi un lieu où se recueille un liquide, dans lequel il y a le liquide dont les croyants vont boire, le breuvage dont les croyants vont s'abreuver au jour de la résurrection, on l'appelle Al-Hawd. Et Al-Mukarramu bihi Nabiyuna, c'est-à-dire par lequel notre prophète sera honoré. Le bassin par lequel notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera honoré, haqqun, c'est-à-dire il est véridique. C'est quelque chose de vrai, de réel. Donc, le sheikh il dit, والحوض المكرم به حق شيخ ربيع حفظه الله الزي هناك حوض للنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام له صفات عظيمة يصب فيه ميزابان من الجنة وحافتاه من الدر ومن الذهب وغير ذلك من الصفات والله سبحانه وتعالى يوقف عليه هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومن كان من المؤمنين يشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا ومن غير وبدل فإنه يذاد عن هذا الحوض. شيخ ربيع حفظه الله il explique ce point qui est mentionné par les deux imams, les deux razi, et il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aura un bassin. Hein? Et ce bassin, il a des caractéristiques très grandes, très importantes. Et ce bassin contient un breuvage. La source de ce breuvage vient d'un ruisseau ou d'une rivière qui est dans le paradis. Et elle coule du paradis jusque dans ce bassin, et elle coule du paradis jusque dans ce bassin par deux mizab. Le mizab, c'est quoi? Le mot en français exact, non, c'est pas une source. C'est, vous savez, je vous donne un exemple sur la Kaaba, hein, le toit de la Kaaba, des fois quand il pleut, il y a de l'eau, il y a comme un bec, hein, en or qui sort du toit, puis l'eau coule par ce bec. C'est ça qu'on appelle en arabe al-mizab. Al-mizab. Donc, il y a deux mizab, hein, deux becs qui sortent comme du paradis. De ces deux becs coule ce breuvage qui tombe dans al-hawd. D'accord? Et les côtés de ces bassins sont en perles et en or, et ils ont d'autres caractéristiques aussi, ou plutôt ça c'est les caractéristiques, pas du haud, les perles et l'or, c'est les caractéristiques de ces deux becs, hein. Je sais pas comment les appeler exactement, al-mizab, non, c'est ça, à peu près ça, une gouttière, on pourrait pas dire une gouttière, hein. C'est ça. Donc c'est deux gouttières, hein? Deux gouttières duquel coule ce liquide ou ce breuvage qui tombe dans qu'est-ce qu'on appelle al-hawd. Et ces deux gouttières, les deux côtés de cette gouttière sont en perles et en or. Naam. Et elles ont d'autres caractéristiques. Naam. Naam. مثعبان من ذهب وفضة d'or et d'argent. Et c'est mentionné dans le hadith comme ça. مثعبان أحدهما در والآخر ذهب. Donc il y en a un en perles et un en pierre précieuse et en or. Donc ça c'est les caractéristiques de ces deux gouttières. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ. Et ils ont d'autres caractéristiques également. Ensuite, le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, hein, yani il va faire son messager, son noble messager, alayhi salatu wassalam, se tenir devant le Hawd, devant le bassin. Et tous ceux parmi les croyants qui vont venir au bassin, qui vont en boire de ce breuvage, ils vont seulement en prendre une seule gorgée et ils n'auront plus jamais soif à l'éternel, plus jamais par la suite. Ils n'auront plus jamais soif par la suite. Hein? Et il y a des gens parmi les musulmans qui auront changé, qui auront غيروا وبدلوا, c'est-à-dire ils ont changé, ils ont défait les choses. Et ceux-là, ils vont essayer de s'avancer pour arriver jusqu'au bassin, mais ils vont en être repoussés. Ils vont en être repoussés. Donc, je vais rappeler un rappel pour le frère Mahamadou, parce qu'il n'était pas là avant le Tars. On a établi une nouvelle règle pour l'assistance au cours par rapport au téléphone. On a dit que dans le Dars, on ne doit plus utiliser son téléphone, mais à condition que, par exemple, si c'est pour chercher quelque chose qui est relié au cours, comme un hadith, ou prendre des notes, si quelqu'un prend des notes avec son téléphone, c'est correct, ou si quelqu'un, par exemple, il a quelque chose qui est vraiment urgent, il veut transmettre ça, il n'y a pas de problème. Et si c'est vraiment très urgent, il peut aller comme sortir, aller faire qu'est-ce qu'il a à faire, écrire son message ou parler avec quelqu'un si c'est très très urgent, puis revenir par la suite. Mais dans le DOS, pour garder le respect de l'assise, le respect de la science, eh bien on demande ça aux frères, parce que ça c'est le respect de cette science. Barakallahu fik. Donc, ça c'est à ce sujet. Ensuite, le Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit: فالذين ارتدوا من الأعراب بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام يذادون عن الحوض فيقول يا رب أمتي أمتي, فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم غيروا بعدك, فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا. Donc le cheikh il dit, ceux qui ont apostasié parmi les bédouins, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont être repoussés du bassin, ne pourront pas venir en boire. Alors étant donné qu'ils vont être repoussés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: ô Seigneur, en s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire: ô Seigneur, c'est ma umma, pourquoi on les repousse? Alors on va dire à ce moment-là: tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Ils ont changé après toi. Ils ont changé la religion. Ils ont changé des choses. Ou ils ont changé eux-mêmes par rapport à la religion. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ce moment-là: suhqan suhqan. Suhqan, ça veut dire qu'il soit éloigné. Et qu'il soit éloigné et mis en enfer. Suhqan suhqan liman baddala ba'di, pour celui qui a changé après moi. Cheikh Rabi' il dit ensuite: wa ba'd al ulama yudkhilu fihim ahlul bid'ah li'annahum baddalu wa ghayyaru man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك, وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة, وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الله أكبر. Donc le Cheikh Rabi' hafizahullah explique que certains ulama ont fait, ont calculé parmi les gens qui vont être repoussés du bassin, hein, du Haoud, les gens de Bid'a. Les gens de Bid'a font partie aussi de ceux qui vont être repoussés du Haoud. Parce qu'ils ont changé, hein, ils ont changé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont déformé la religion. Ils ont essayé de déformer la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, eh bien ce sera rejeté, hein, ou il sera rejeté. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, alors yani, ce sera rejeté. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, il va y arriver dans ma umma une époque où les gens vont suivre ce que les fils d'Israël ont fait, hein, pas à pas. Ils vont les suivre exactement pareil, comme les Juifs ont, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ils vont le faire eux aussi. À un tel point que si l'un d'entre eux, hein, faisait la fornication ou l'adultère avec sa propre mère, il y aura dans ma umma celui qui va faire ça aussi. Il voudra les imiter même dans ça, pour dire à quel point certains sont faibles d'esprit et sont des suiveurs aveugles de tout ce que veulent faire les kuffars. Allah musta'an. Même les choses les plus laides, les plus détestables, comme l'inceste ou des choses de ce genre, il y en a des musulmans qui vont le faire, et non pas seulement le faire comme ça, mais alaniya, c'est-à-dire devant les gens, en public. A'udhu billah. Donc, le shaykh, il dit ensuite, et il mentionne la suite du hadith, que les fils d'Israël se sont divisés en 72 sectes et que ma umma va se diviser en 73 sectes, en 73 groupes ou 73 voies. Elles seront toutes en enfer excepté une. Et ils ont dit, et laquelle est-ce, ô messager d'Allah? Il dit, c'est ce sur quoi je suis moi-même et mes compagnons. Ce sur quoi je suis moi-même et mes compagnons. Allahu Akbar. Le Cheikh il dit Allahu Akbar. Hein? Allah est plus grand. Donc, ceux qui seront sauvés, qui ne sont pas menacés de l'enfer, c'est le groupe qui a suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et ça, c'est un hadith qui est Hassan. Il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Et celui qui veut vérifier l'authenticité des hadiths des 73 sectes, il peut retourner au livre de l'imam Cheikh Al-Albani dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, le hadith numéro 204. Il y a l'explication de l'authenticité de ces hadiths-là. Ensuite, Cheikh Rabi' il explique, il dit فَإِيَّاكُمْ وَالتَّغْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ وَاحْذَرُوا الْبِدَعُ صغيرها وكبيرها فإن صغار البدع تتحول إلى كبار تبدأ يعني تبدأ لمة وتنمو والفتنة تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيها نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة إلى يوم القيامة وقلب هو الذي يعني أشرب الفتن أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. Donc le cheikh il dit, faites attention de ne pas changer. Faites attention de ne pas déformer ou de ne pas changer, de suivre autre que la bonne voie et de prendre la voie des innovations. Faites garde aux innovations, même si ce soit des petites ou des grandes bid'a, des petites ou des grandes innovations, écartez-vous des innovations et prenez garde aux innovations. Parce que même si vous dites ce sont des petites innovations, donc certains disent ça c'est une petite bid'a, c'est pas grave. Non, le cheikh il dit même si ce sont des petites innovations, elles se transforment par la suite et elles deviennent des grandes innovations. Les plus grandes innovations sont commencées parfois par des très petites innovations, puis après elles se développent, elles deviennent plus tard des grosses bid'ahs. Donc, le cheikh il dit, elle commence par une petite affaire, tout petite, et elle augmente, elle s'agrandit jusqu'à ce qu'elle devienne une grosse bid'ah par la suite. Donc le cheikh il dit, la fitna, elle entre dans les cœurs, elle se présente, elle rentre dans les cœurs, et il dit, elle s'entrelace avec les cœurs, de la même manière que les pailles, les rameaux, les feuilles de palme, avec lesquelles on tresse les tapis. Elle s'entrelace de cette façon-là, rameau par rameau, les unes entrelacées dans les autres. Et donc les fitanes, c'est comme ça qu'elles rentrent sur le cœur. Elles s'entrelacent et elles rentrent dans le cœur. Il dit c'est comme un cœur. Achitan, il est touché par la fitna et par la tentation et par les désirs. Et ça, c'est basé sur un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ce sujet-là. Il dit, quand le cœur absorbe la fitna, on voit apparaître dessus un point noir sur le cœur. Quand la personne est touchée par la fitna, on voit apparaître dessus un point noir. Et lorsque la personne repousse la fitna ou la rejette, on voit un point blanc qui apparaît sur son cœur. Donc, ça devient à la fin deux cœurs. Un cœur blanc qui est pur et qui n'est affecté par aucune fitna jusqu'au jour de la résurrection, et l'autre cœur qui a absorbé la fitna et la tentation et les désirs, et il devient noir. Et il devient comme un verre qui est à l'envers. Un verre, quand il est mis à l'envers, tête en bas, même si tu verses quoi que ce soit dedans, il n'y a rien qui peut rester parce que il est à l'envers. Et donc le cœur qui est devenu tout noir parce qu'il a absorbé la fitna, à la fin, il ne peut plus distinguer le bien et le mal. Il ne connaît ni le bien et il ne condamne pas le mal. Donc, ça c'est ce qui arrive quand quelqu'un est égaré complètement, est pris complètement dans la fitna. Et donc, ça c'est un hadith qui est très connu. Ensuite, le cheikh il dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Ça aussi, ça fait partie du hadith en question. Le cheikh il dit, regardez, Allah est grand, Allah est grand, Allahu Akbar. Le cœur de cette personne qui est pris dans la fitna, il ne reconnaît plus le bien et il ne condamne plus le mal, excepté ce qu'il a absorbé de la passion dans son cœur. Donc tout ce qu'il a dans son cœur, c'est uniquement tout ce qu'il va accepter, c'est par rapport à sa passion. Tout ce qu'il va condamner, c'est par rapport à sa passion, parce qu'il est pris dans la fitna complètement. Le cheikh il dit, wallahi wallahi inna unasan yalbisuna libas as-salafiyya wa hum la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran fadlan an ahli al-bid'ah. Hada mawjoud. Cheikh il dit, par Allah, je jure par Allah qu'il y a des gens qui portent les vêtements de la salafia, mais ils ne connaissent ils ne reconnaissent pas le bien et ils ne condamnent pas le mal. Et encore moins les gens de bid'ah. Donc si c'est le cas qu'on retrouve des salafis, des gens qui portent les vêtements de la salafia et qui ne connaissent pas le bien, qui ne condamnent pas le mal, donc imaginez les gens de bid'ah. Chez eux, c'est encore pire. Il dit ça existe, cette sorte de personnes-là. Les gens qui se disent salafia, donc qui se disent suivre la salafia, et qui ne suivent pas correctement l'islam et qui sont pris dans la fitna, au point où ils ne peuvent plus reconnaître le bien et le mal, la sunna et la bid'a, ils ne distinguent plus. Et il dit وهؤلاء والله أشد على السلفية وأضر بها من أهل البدع الواضحة. Donc il dit ces gens-là, il dit je jure par Allah que ces gens-là sont plus durs ils sont plus durs contre la salafia et ils font plus de tort à la salafia que les gens de bid'a clairs qui sont clairement sur la bid'a. Il dit wa kullu al-mukhalifin يلبس لباس السلفية ويغرر بالناس ويرد الحق وينصر الباطل هذا موجود. جماعة الكوثر يقولون أنهم سلفيون وكثير من الصوفية يدعون السلفية وكفتار كان مفتي الباطنية يدعي أنه على السلفية وكثير كثير ممن تعرفونهم يدعون السلفية والسلفية منهم براء أو براء السلفية منهم براء. Donc le cheikh il dit ces gens-là ils font plus de tort à la salafia que les gens de bid'a clairs, et il dit kullu al-mukhalifin, c'est-à-dire ceux qui opposent la vérité et qui portent les vêtements de la salafia ou qui se prétendent être salafi et qui veulent tromper les gens et rejeter la vérité et défendre le faux, ça existe. Il dit l'exemple de Jama'atul Kawthari. Al-Kawthari, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'était un soufi, ash'ari, extrémiste, qui détestait les gens de la sunna et qui toujours essayait de réfuter Ibn Taymiyyah. Et il était vraiment extrémiste dans la négation des noms et des attributs d'Allah, et dans la défense du shirk et des bid'a. Allah musta'an. Mais pourtant, il se prétendait salafi. Beaucoup de soufis se disent salafi, ils prétendent à la salafia parfois. Même le mufti, je ne sais pas si c'est le mufti du Liban ou de la Syrie, il s'appelait Kiftaro, Ahmed Kiftaro. C'est un batini, c'est un soufi batini de la tariqa Naqshbandiya, puis en même temps aussi il se colle avec il accepte les shi'a, toutes les sectes des shi'a, les rafida, les nusayriya et autres. C'est pour ça que le cheikh il l'appelle le mufti de la batiniya, c'est à dire des sectes ésotériques. Il y en a des garments, les groupes de bid'a et des garments. Et il se prétend salafi. Il se prétend salafi, Allah musta'an. Il y a beaucoup, beaucoup de gens que vous connaissez qui prétendent à la salafia, alors que la salafia est innocente de ces gens-là. Il dit, فَعَلَيْنَا أَن نَتَجَنَّبَ الْبِدَعْ وَالضَّلَالَاتِ وَأَن نَعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا كَمَا أَمَرَنَا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc il dit il faut nous écarter donc des innovations et des égarements, et qu'on s'accroche fermement au câble d'Allah et qu'on se cramponne tous ensemble sur le câble d'Allah. Et comme Allah nous l'a ordonné dans le Coran, le verset 103 dans sourate Al-Imran, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Il dit والحوض يزاد عنه أناس ينكرون الحوض أيضا من أهل البدع من ينكر الحوض. Le cheikh dit il y a des gens qui vont être repoussés du bassin, ils pourront pas approcher, et parmi eux il y a des gens qui justement niaient le حوض, ils croyaient pas au bassin, ils disaient non, il y en a pas parmi les gens de bid'a, il y en a qui croient pas à ça, Allah musta'an. Donc il mérite encore plus d'être repoussé et de ne pas pouvoir l'approcher. Après, le cheikh il dit فَهَاُلَا مِمَّنْ يُذَادُ عَنْهُ وَأَهْلُ الْبِدَعِ وَالْمُرْتَدُّونَ وَكُلُّهُمْ يُذَادُونَ عَنِ الْحَوْضِ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَشْرَبُ مِنْهُ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا. Donc le cheikh il dit, donc ces gens-là qui nient le Hawd, ils vont être repoussés du Hawd, de même que les gens de Bid'a, de même que les apostats, ils vont tous être repoussés du bassin, et les croyants, eux, vont en boire, et ils vont en boire une gorgée, et après cette gorgée-là, ils n'auront plus soif, ils n'auront plus jamais soif. Il dit, « وَالْحَوْدُ فِيهِ أَحَادِيثْ كَثِيرَةْ بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرْ أَحَادِيثْ كَثِيرَةْ جِدًّا » Il dit, à propos du bassin, il y a de nombreux hadiths qui ont été rapportés, qui sont tellement nombreux que ça atteint le statut de tawatur, bien le fait d'avoir, d'être très très très nombreux. Et comme on l'a expliqué, at-tawatur, hein, ou al-ahad, c'est une distinction que les gens de Bid'a ont inventée pour classifier les hadiths. Ils disent que si un hadith est rapporté par un grand nombre, et là, sur la quantité nécessaire pour dire qu'un hadith est mutawatir, ils ne sont pas tous d'accord. Certains ont dit 4, d'autres ont dit 12, d'autres ont dit 40. Donc, ils ont ramené des chiffres comme ça, et chacun, ils ont essayé de ramener des preuves pour supporter le nombre qu'ils ont ramené. Hein? Donc, par exemple, ils vont dire, certains ont dit 12 parce que à cause des 12 tribus de Ben Israël. D'autres ont dit 40. Mais en fait, ils ont ramené aucun dalil pour supporter. C'est quoi la preuve pour dire que tel nombre, c'est ça qui est tawatur. Hein? Mais la définition de tawatur, c'est un nombre tellement grand qu'il serait impossible que des gens se seraient mis d'accord pour dire toute cette chose-là ensemble. Hein? C'est-à-dire, on ne pourrait pas se mettre d'accord pour mentir sur ça, parce que c'est trop un grand nombre. Un exemple de choses qui sont qui seraient mutawatir, c'est comme par exemple pour des gens comme nous ici, par exemple, si quelqu'un dit que par exemple il y a un pays qui existe qui s'appelle l'Islande, ça c'est mutawatir. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont allés là-bas, puis tout le monde sait ça. Hein, tout le monde est au courant. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, par exemple, non, il n'y a pas un pays qui s'appelle l'Islande. Hein, ça, c'est mutawatir. On le connaît par tawatur. C'est pas possible que tout le monde se soit mis d'accord pour mentir sur le fait que ce pays-là existe. D'accord? Donc, muttafaq alayhi. Non, muttafaq alayhi, c'est pas pareil. Muttafaqun alayhi, ça veut dire que c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hein? Et les ulama sont d'accord sur l'authenticité de ces deux livres-là. Oui, mais ils utilisent mutawatir par opposition à qu'est-ce qui est ahad. Et ahad, ça veut dire qu'est-ce qui est rapporté par un ou deux narrateurs seulement. Et donc, ils vont dire, si c'est rapporté par un ou deux narrateurs, ça c'est ahad, c'est pas mutawatir. Et ils ont amené cette distinction-là, pourquoi? Pour essayer de justifier le rejet de certains hadiths. En particulier les questions qui ont rapport avec la aqidah. Donc si tu leur ramènes un dalil de la sunna, hein, ils vont dire non, ça on l'accepte pas. Parce que c'est pas mutawatir. Donc ils vont justifier, surtout les gens, c'est les Mu'tazila qui ne croient pas en les attributs d'Allah par exemple, ou qui ne croient pas en la balance ou en le hawd. Ils vont dire non, on ne l'accepte pas, c'est pas mutawatir. Ils vont dire non, c'est juste une personne qui l'a rapporté. Tu vois? Et si tu leur ramènes une preuve du Coran, parce que la balance elle est mentionnée dans le Coran, hein, ils vont le déformer, ils ne vont pas déformer son texte, mais ils vont déformer le sens. Parce qu'ils disent, ça, yani, c'est vrai, c'est dans le Coran, on ne peut pas dire que ce n'est pas mutawatir. C'est clair que c'est mutawatir, c'est le Coran. Mais dans ce cas-là, ils vont dire, mais il ne faut pas le comprendre de cette façon-là, parce qu'ils vont dire, c'est certain, l'authenticité est certaine, mais la signification n'est pas certaine. Donc ils déforment la signification, ils disent, ça peut vouloir dire autre chose, puis là, ils déforment le sens. avec toutes sortes de significations qu'ils inventent eux-mêmes. Hein, donc ils font le ta'wil, ils font le ta'wil des textes. Et c'est ça un exemple de leur bid'ah. Donc les gens de la sunna, ils ont dit non, nous on regarde pas le fait qu'un texte, un hadith soit mutawatir ou ahad, c'est pas ça qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est important, c'est que le hadith soit sahih. Si le hadith il est sahih, on l'accepte, même s'il n'est pas mutawatir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et on a l'exemple de ça dans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il envoie un sahabi pour aller prêcher l'islam à une tribu ou à un peuple, et il est tout seul. Hein? Comme Mu'adh radiallahu anhu, il est parti au Yémen pour enseigner aux gens l'islam. Il était tout seul pour enseigner à un peuple. Est-ce que les gens du Yémen allaient dire ah, mais non, on n'accepte pas ce que Mu'adh a dit parce qu'il est ahad, il est tout seul? Ça voudrait dire que ça, dans ce cas-là, on ne peut plus accepter quoi que ce soit de la religion. Hein? Donc, du moment que c'est authentique, c'est pas important que ce soit ahad ou non. Imagine, par exemple, supposons, t'as deux fils, t'as deux enfants. Tu dis à un de tes enfants qui est à la maison d'aller dire à son frère qui est dehors, dis à ton frère de rentrer pour faire ses devoirs. Alors il sort dehors dans la cour pour aller dire à son frère, ton père te dit d'aller faire tes devoirs. Et lui, le fils, il répondit, non, je viens pas parce que toi t'es ahad. T'es juste une seule personne, j'ai besoin qu'il y ait d'autres personnes qui vont confirmer ça. Non, ça y est, si l'ordre il est authentique et c'est vrai, t'es pas un menteur, tu dois l'accepter. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des choses que les gens de bid'a ont inventées pour rejeter la sunna authentique. Oui, il y a ça aussi, mais qu'est-ce qui est dangereux aussi, qu'est-ce qui est bizarre aussi de leur part, c'est qu'ils distinguent entre les hadiths qui parlent des règles de l'islam en général et les hadiths qui parlent de l'aqidah. Donc ils disent, on prend, si c'est les règles de l'islam, on l'accepte, le hadith ahad. Mais si c'est l'aqidah, on ne l'accepte pas. Donc ça, c'est contradictoire. Yani. Exactement. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, même si c'est quelque chose qui existait à l'époque, des fois les ulama, tu vois qu'ils disent, par exemple, que ce hadith-là, ou le hadith à propos de ce sujet, il a atteint le degré de, ou le statut de tawatur. Pourquoi il le mentionne? C'est pour dire que vous le reniez malgré que c'est quelque chose qui est mutawatir. Et vous prétendez que vous prenez qu'est-ce qui est mutawatir dans le hadith. Et ça, c'est mutawatir et malgré tout, vous le rejetez. Hein? Donc c'est pour dire que c'est des gens, en fait, que même lorsqu'on leur ramène le dalil, ils ne veulent pas l'accepter. Et même quand c'est dans le Coran, il ne l'accepte pas. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh dit, il y a de nombreux hadiths à ce sujet-là. Et en note de bas de page, le cheikh il cite justement comme exemple les hadiths en question, ou quelques-uns de ces hadiths qui sont mentionnés dans le livre Ma'arij al-Qabul de l'allama cheikh Hafiz al-Hakami. رحمه الله. يلدي الحافظ الحكمي وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن فممن روى ذلك عنه من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وحارثة بن وهب وجندب بن عبد الله وسهل بن سعد وعائشة وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأسماء بنت أبي بكر وثوبان وأبو ذر وأم سلمة وجابر وجابر بن سمرة وزيد بن أرقم وسمرة ابن جندب وحذيفة وأبو برزة الأسلمي والمستورد ابن شداد وأبو سعيد الخدري وعبد الله ابن زيد وأسامة ابن زيد ثم ذكر الروايات. Donc Al-Hafiz Hakami il dit dans Ma'arij al-Qabul que ce hadith là il a été rapporté, il y a plein de hadiths qui ont été rapportés au sujet du bassin et au sujet de l'explication ou le tafsir du mot Al-Kawthar, hein, parce que certains ulama, comme on va le mentionner tout de suite après, ils mentionnent Al-Kawthar, et Al-Kawthar ils disent que une des significations qui est mentionnée dans le tafsir, c'est que c'est une rivière, hein, dans le paradis. Naam. Ou bien que c'est un bassin dans le paradis, le bassin qui est à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de là que c'est de ce Kawthar que coule le breuvage qui va être dans le Haud au jour de la résurrection. Donc la description du Haud aussi, parce qu'il y a des descriptions qui mentionnent, il y a des choses qui sont mentionnées au sujet de la description du breuvage, qu'il est plus blanc que le lait et qu'il est plus doux que le miel, et ainsi de suite. Donc tout ça, il y a des hadiths qui en parlent, et il dit que tout ce qui a été mentionné à ce sujet là c'est rapporté par plusieurs chaînes de transmission et par de nombreux d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quelque chose qui est connu et célèbre, et que ça atteint même le degré de tawatur dans les livres de la sunna. Et il y en a des hadiths parmi ces hadiths là qui sont sahih et donc qui sont hasan et qui sont transmis avec les chaînes de transmission et qui sont rapportés dans les sunan. Et parmi les sahaba qui l'ont rapporté, j'ai mentionné les noms déjà, donc je ne vais pas les répéter encore une fois la liste, mais c'est certains de ceux qui ont rapporté ces hadiths là donc on voit qu'il y en a de très nombreux parmi les sahaba qui ont rapporté ça. Et puis il dit ensuite rahimahullah, Al-Hafiz Hakim il dit, après avoir expliqué les différentes narrations à ce sujet, il dit وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْهَا مَا تَيَسَّرَ وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا وَلِمَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ أَحَادِيثِ أُخَرَ لَمْ نَذْكُرْهَا وَلَهُمْ رِوَايَاتٌ فِي الْأُصُولِ الَّتِي عَزَوْنَا إِلَيْهَا غَيْرَ مَا سُقْنَا وإنما أشرنا إشارة إلى بعضها لتعرف شهرة هذا الباب واستفاضته وتواتره مع الإيجاز والاختصار والله ولله الحمد والمنة. الشيخ حافظ حكمي il dit, hein, après ça il dit on a mentionné de ces hadiths ce qui est est suffisant. Hein, les hadiths qui ont été, que j'ai eu la possibilité de, qu'est-ce qui a été le plus facile à rassembler. Et il y a d'autres hadiths qu'on n'a pas mentionnés, hein, qui sont aussi des hadiths à ce sujet-là. Donc c'est pour dire que il y en a beaucoup. Ensuite, le cheikh il dit ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا بين أصحابه فضحك فقالوا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزل الله علي آية يعني سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر يعني الكوثر فقال الخير الكثير الكوثر قال الخير الكثير ومن الخير الكثير هذا الحوض الذي أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد في بعض الروايات إنه لكل نبي حوضا وهو يعني حسن يحتمل الصحة. Donc le cheikh explique que le prophète صلى الله عليه وسلم était assis un jour avec ses compagnons et il s'est mis à rire. Alors les sahaba ont dit « qu'est-ce qui te fait rire, ô messager d'Allah? Alors il a dit, on m'a révélé des versets, une surah, surat al-Kawthar, et il a mentionné donc la surah en question, inna atainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka huwa al-abtar. Nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie, celui qui te hait sera certes sans prospérité, sera coupé. Et donc, le cheikh explique, il dit que le hadith, ça dit, قال, il a dit que Al-Kawthar c'est beaucoup de bien, Al-Khair Al-Kathir. Et il dit que parmi les exemples de ce bien, de ce bien qui est en grand nombre, ou en grand, un grand, qu'est-ce qui est en grand bien, eh bien, parmi ça, il y a Al-Hawd que Allah lui a donné, que Allah a donné à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit que dans certaines narrations du hadith, ça mentionne que chaque prophète a un Hawd. Au jour de la résurrection, chacun des prophètes aura son Hawd, et la umma de chacun de ces prophètes viendra pour boire de ce Hawd. Et ça, c'est un hadith qui est hassan et qui c'est-à-dire il peut même être authentique, c'est impliqué que c'est également authentique. À ce sujet-là, il rapporte aussi, il dit wa akhraja muslimun fi kitab as-salat an Anas qal bayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin bayna adhhurina idh aghfa ighfa'atan ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله. Quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ri, c'est-à-dire qu'il a souri, parce que le rire du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un sourire. Il ne riait jamais comme à haut fort ou en faisant des qu'est-ce qu'on appelle le qahqaha ou des choses comme ça. Non, il riait pas comme nous aujourd'hui là, malheureusement. Allah musta'an. Donc le plus qu'on voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il riait, c'est que on voyait apparaître ses molaires. Mais il faisait pas, il y en a de bruit en riant. Et donc ça c'est un point en passant. Il dit ma adhakaka ya rasulallah qal unzilat alayya anifan suratun faqara'a بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا والله الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منه فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. أي نعم. donc c'est ça. وقول المؤلف رحمه الله قول الشيخ ربيع لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه درع ناقته أما أن لكل نبي حوض فصحيح فعن سمرة ابن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. Donc il dit que, donc c'est le même hadith que qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation et il a, quand il reçoit la révélation, il est dans un état différent que d'habitude. Puis après, il a relevé sa tête en souriant. Alors ils ont dit, qu'est-ce qui te fait sourire au messager d'Allah? Il a dit, on m'a révélé une sourate et il l'a récitée, hein, sourate Al-Kawthar. Après il a dit, est-ce que vous savez ce qu'est Al-Kawthar? Alors on a dit, Allah et son messager savent mieux. Alors il a dit, c'est une rivière que Allah m'a promis, que mon Seigneur m'a promis, et il y a beaucoup de bien dedans. Hein, c'est un bassin sur lequel ou vers lequel tous les gens de ma umma vont venir au jour de la résurrection. Ces contenants avec lesquels on boit dedans sont aussi nombreux que les étoiles. Et certains vont être repoussés de ce bassin. Et je vais dire, ô mon Seigneur, ma umma, et on va lui dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Et naam. Donc ça, c'est ce qui a été dit à ce sujet-là. Et il y a beaucoup de détails qui ont été mentionnés au sujet de Al-Kawthar. Il dit, regardez les paroles des hommes de science et l'explication de Al-Khair, de ce bien dans Tafsir ibn Kathir. Dans le Tafsir ibn Kathir, il y a l'explication des détails de ça, hein, dans l'explication de Sourate Al-Kawthar. Donc le hadith qui dit que tous les prophètes auront un haut excepté Salih, ça c'est un hadith, ici le cheikh il dit, c'est un hadith qui est maudou, c'est-à-dire qui est fabriqué, c'est pas vrai. Tous les prophètes auront un haut, oui, ça c'est vrai, c'est rapporté dans un hadith authentique selon Samura ibn Jundub, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque prophète aura un haut et ils vont se compétitionner les uns les autres et ils vont essayer de voir lequel d'entre eux a plus de fidèles qui vont venir boire dans le haut qu'ils ont. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je souhaite que je serai celui qui en aura le plus. Hein? Et ça c'est rapporté par At-Tirmidhi et également Al-Bukhari dans son livre At-Tarikh et Ibn Abi Asim dans As-Sunnah. Donc il dit que le hadith a été déclaré da'if par Cheikh Al-Albani de cette narration là, mais il a mentionné des supports, hein, d'autres hadiths qui témoignent de ce hadith là. Et donc il dit que si on réunit toutes ces, Cheikh Al-Albani a dit, si on réunit tous les différentes narrations de ce hadith, il devient hassan ou sahih. Et il l'a mentionné dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha. En ce qui concerne qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Salih, le prophète Salih, que lui, il n'aura pas de haud parce que son haud, c'était la tétine, c'est ça qu'on dit, la tétine de sa chamelle, hein, la tétine de, en tout cas, ce de quoi le petit de la chamelle boit le lait de ça. Donc c'est ça. La mamelle, disons la mamelle de cette chamelle, c'était ça le haud de Salih. Et ça c'est fabriqué, c'est pas vrai. Donc ça c'est ce qui vient compléter qu'est-ce qui a été dit à propos du haud par le cheikh. On va maintenant passer à un autre point qui est al-shafa'a. Et al-shafa'a, c'est un sujet très important en ce qui a rapport avec l'aqida d'Ahl Sunnah al-Jama'a et qui montre aussi en même temps l'importance du tawhid. Donc le cheikh, les deux imams, ils ont dit, Abu Hatim et Abu Zur'a, ils ont dit, rahimahumullah, wa shafa'atu haqq, et l'intercession est vérité. وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة حق. C'est-à-dire que des gens qui font partie des gens du tawhid vont sortir par l'intercession. Ça, c'est une vérité aussi. C'est une chose réelle. Et ça, ça vient en même temps supporter et prouver que le tawhid, c'est un terme qui était utilisé même par les salafs. Parce que certains mubtadi'a à notre époque, ils ont essayé de faire croire que le tawhid, c'est quelque chose qui est inventé par Ibn Taymiyyah. Ils ont dit ça, c'est Ibn Taymiyyah qui a inventé le tawhid. Ajib. Allah al-musta'an. Le tawhid, il est dans le Coran, il est dans la sunna. Et les salafs, ils ont parlé du tawhid. Tous les livres de Aqidah parlent du tawhid. Depuis l'époque des salafs jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment ils pensent ou ils disent ce genre de choses, yani? Allah al-musta'an. Le cheikh, il explique maintenant qu'est-ce qu'on a lu. Est-ce que j'ai expliqué? Non, j'ai pas expliqué encore. Donc, al-shafa'a, c'est-à-dire l'intercession. L'intercession. Il dit que c'est véridique. C'est quelque chose de vrai. Il dit qu'il y a des gens, parmi les gens du tawhid, qui vont sortir, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de l'enfer, par l'intercession. Et ça, c'est une vérité. Ok, le cheikh qui a, le cheikh Ahmed Zahrani, qui est un des élèves du cheikh Rabi'a, hafidhahullah, il mentionne ici que les parties de 12 à 16 dans l'aqida des deux Razi, 12 à 16, ça comprend yani ce point qu'on est en train de lire maintenant. Puis ensuite, les autres points qui suivent, attendez, je vais vous dire, le point 13 et 14, 13 c'est le châtiment de la tombe, 14 c'est les deux anges qui viennent poser les questions dans la tombe, Munkar et Nakir, donc ça c'est 14, et 15 c'est les anges qui écrivent les œuvres des croyants, donc ça c'est 15. Et le point suivant, c'est Al-Ba'th Mim Ba'd Al-Mawt, la résurrection après la mort. Ça, c'est le point numéro 16. Ces points-là, le cheikh, il dit, je ne les ai pas trouvés dans l'enregistrement de ces, l'explication de ces points, je ne les ai pas trouvés dans les enregistrements de ces cours que Cheikh Rabi a fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai pris ces points-là que le cheikh a expliqué dans l'explication de Usul Sunnah et dans l'explication de l'aqida des gens du hadith de l'imam As-Sabuni et également dans le charh qu'il a fait de Sunnah de l'imam Al-Barbahari. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré les explications de qu'est-ce que Cheikh Rabi a expliqué de ces points-là dans ces différents livres. Dans ces autres livres, pour ces points-là, c'est-à-dire du point 12 à 16. En fait, c'est un dars que le cheikh, c'est une explication audio que le cheikh a donnée et que ses élèves ont retranscrit. Et beaucoup des livres des ulama, c'est comme ça à la base. Pas juste à notre époque, mais même à l'époque des salafs. Beaucoup d'ulama disent que les livres des ulama comme l'imam Ahmed ou sur le sunna et ces livres-là, ils disent que c'est des élèves qui les ont notés. C'était pas eux-mêmes qui les ont écrits. Donc, ça c'est très important de comprendre ça. Donc, juste pour savoir que l'explication, c'est l'explication qui a été donnée par le Cheikh Rabi, mais que ça c'était pas tiré de ces audios-là directement. Les points 12 à 16 sont tirés de d'autres explications qu'il a données de ces points-là dans d'autres livres de Aqidah. On ne va pas tout faire. Je pense qu'on même, on devrait s'arrêter même maintenant. Ouais, parce que c'est un nouveau chapitre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter maintenant. Puis, on expliquera le chapitre de la Shafa'a au prochain cours, Inch'Allah. D'accord? Donc, Inch'Allah, c'est correct. En tout cas, c'est pas grave. Alhamdulillah, Alhamdulillah, c'était un point important aujourd'hui, un point intéressant, Al-Hawd. Et on va faire le prochain cours, Inch'Allah, dimanche prochain, Al-Shafa'a. Al-Shafa'a, un point très très important dans la Aqidah d'Ahle Sunnah al-Jama'a. Et c'est un point qui, en même temps, sert à réfuter les Mu'tazila, les Khawarij, les Murji'a et beaucoup, beaucoup de groupes qui ont dévié dans la question de la foi. Donc, Al-Shafa'a, très très important, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيكم بركة إن شاء الله